la señorita a Conchita. Amazing Grace. Ah, ça, c'est de la musique. Alors, je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter. Qu'en avez-vous pensé? Ou qu'en pensez-vous? Ah, c'est bien, hein? Ah oui, Amazing Grace, c'est bien. Mais là, là, c'est encore autre chose. C'est la Marie des Bruyères. Alors là, alors là. « Sur cette lettre que je signe rien que d'un prénom, c'est mon âme qui réclame un peu d'illusion. Et cette lettre, bien cette lettre, ne partira pas. Garde ton gage et je n'en ai pas le droit. Petite Marie des prières si belle, je te revois. Et lorsque j'écris à ma mère, confiant, je lui parle de toi. Le pays vert, ces vallons, ces jolies rivières qui chantent parmi les bruyères. Chez nous, il n'y a pas d'usine, le ciel est clair et l'air est pur. Chez nous, les gens ont bonne mine, au beau milieu de la verdure. C'est chez nous, dans notre Corrèze, un pays où l'on se sent bien. Chez nous, dans notre Corrèze, un pays tranquille et serein. Le printemps fleurit le village et l'amour y fait son chemin. Ça finit par un mariage, un beau jour dont on se souvient. Belle rose d'Auvergne que je vous offre avec beaucoup de plaisir. J'ai rencontré un beau matin une jolie fleur sur mon chemin. Elle était belle, elle sentait bon. J'ai ressenti un grand frisson. Je l'ai suivie, le cœur battant. Elle m'a tiré comme un aimant. Mais comment faire pour lui parler? Je me suis donc mis à chanter. Belle rose d'Auvergne, viens fleurir dans mes bras. Donne-moi ton parfum, je ferai de toi le plus beau des jardins. Ton parfum qui s'imprègne, mais mon cœur en émoi.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Les belles charentaises, de quoi s'agit-il? Alors là, je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être ce à quoi vous pensez. Mais je vous laisse découvrir. Les mariés de Venise. Les mariés de Venise, c'est un superbe boléro que nous interprète Jérôme Richard. C'est Laurent Michelotto. Olle Tororo, le torero, pardon, le roi de la reine. Et tout de suite derrière, c'est un foxtrot qui est revenu. Thank you. tarentelle de mon Cantal. Si vous ne connaissez pas le Cantal, c'est le moment de vous instruire en écoutant Nathalie Bernat. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Nicole Bergès nous présente la fête du pain. Thank you. Il y aura du blé sur notre terre. Tant que tourne à la roue du moulin, nous irons faire la fête à la Mazière. Nous irons faire la grande fête du pain. Comme autrefois au temps de nos grands-mères, la veille au soir, nous mettons le levain. Et dans la grange, on dansera sur l'air, même en chauffant le four de bon matin. Et nous mettrons tous la main à la pâte, car nous aurons bien du pain sur la planche. Nous y ferons de soyeuses agapes, en dégustant notre bon pain de flanche. Ce sera fête dans tout le village, venez profiter des réjouissances. Venez de soucis et des embouteillages, comme c'est nous de la bonne papa. Quand les cabrettes sonnent en novembre, l'accordéon résonne encore. Les oiseaux se montent dans les veines, pour danser c'est mieux qu'à Marseillaise. La route tournée dans nos campagnes, on danse le folklore comme avant. Tous les samedis dans nos petits bars, il y a de l'engrais comme au bon vieux temps. Allez! Comme avant, tous les samedis dans nos petits bars, il y a de l'entrain comme au bon vieux temps. Suzanne. Alors là, on va écouter Suzanne avec Angélique et ses musiciens. Thank you. on termine cette première partie de Dimanche Musette avec Véronique Cadence. C'est bon le Zimbola. Allez, tous ceux qui savent danser, c'est bon le Zimbola. On va faire un petit décompte comme d'habitude. On prend bien la cadence. C'est bon, on est prêts? Moi j'aime bien quand on travaille dans les mains comme ça. Soleil, j'étais comme au septième ciel. J'y ai vu Señorita, belle demoiselle, oulala. Mais qu'elle est belle et super classe, Señorita la bourraque. C'est une déesse, son truc à elle, c'est danser le Zimbola. Señorita est très sexy, c'est la plus jolie des filles. On la suit sur la même ligne, attention tout le monde s'allie. Et venez danser sur la piste, oh oui le bonheur existe. Une addiction, une vraie passion. Zimbola, oh que c'est bon. Et hop, toutes les mains gauches. Et hop, toutes les mains droites. Et tap, tap, tap dans les mains. Oh, elle chante, c'est bon le Zimbola. Elle fait tac, tac, tac la chansonnette. C'est bon pour faire la fête. Oh, elle chante, c'est bon le Zimbola. Ça fait tic, tic dans la tête. C'est bon pour les gambettes. C'est l'ambiance de folie. Je la veux, oui, je la désire. Cette princesse des plaisirs, c'est une demoiselle. Et mon cœur en elle est un amour éternel. Bonus avec toujours Véronique Cadence, la Java à Véro. On commence tout de suite cette deuxième partie avec une dédicace. Le 12 juin 1971, Paul Monet, maire de Chézry, et le père Michel Lobépine, le curé du village, unissaient pour le meilleur et pour le pire les deux tourtereaux, Rosie et Dominique, qui s'étaient connus en 1970 alors qu'ils travaillaient tous les deux à la Cébal, un long chemin qui les conduise jusqu'à fêter leurs noces d'or. Et c'est l'occasion, c'était en tout cas l'occasion pour eux de festoyer tout cela, et bien tout simplement la veille de ce dimanche. Et pour l'occasion, Dominique dédicace cette belle mélodie que je vous laisse découvrir. 50 ans d'amour. Joyeux anniversaire, Rosie. Joyeux anniversaire, mon cher Domi. Et puis, à très bientôt pour l'arrosage de tout ça. Cinquante ans d'amour entre vous et moi. Cinquante ans d'amour, ça ne s'oublie pas, comme au premier jour, c'est le même accord. 50 ans d'amour, et l'on s'aime encore. Qui aurait cru à notre histoire, le jour où l'on s'est rencontrés, si la fidélité est rare. Nous, on ne s'est jamais trompé. On a connu quelques orages, des conflits de génération. Chaque fois nos cœurs restaient sages, et tout finissait en chanson.

Georges Moustaki nous interprète « Il est trop tard », c'est en 1973. « Il est trop tard », oui, parfois il est trop tard, mais là, c'est Georges. Pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. On est déjà demain, passe le temps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit, passe le temps. Longtemps.

ne croit ne se dit pas. Mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, mon âme et ma voix, si fragile flamme. Si tu dis que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas, je sais tellement que l'amour a ses devoirs. S'il faut le sauver, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix, et mon corps qui s'enflamme au son de ta voix. Je ne suis qu'une femme qui t'aime tout bas, mais que Dieu me Marie la Polonaise, Marie la Polonaise. Vous souvenez-vous de qui est-ce qui interprète cette chanson, Marie la Polonaise? Je vous laisse à vos souvenirs. Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu, sous la glace de ton assaise, inaccessible, moi je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang. Marie, Marie, départ, Marie, je pars, Marie, j'ai peur. Marie, merveilleuse, je veux graver mes lèvres en rouge sur ton. Mon ardente, ma polonaise, ah, j'ai décimé tes bijoux, j'ai brisé ma montre et la chaise, et je suis tombé à genoux. Enfin tes lèvres que je baise, enfin ton ventre que je cloue. Pardonne-moi, ma polonaise, je suis affamé comme un Marie. Solitaire, Marie la terre, Marie la mer, Marie le feu. Je viens me soumettre, mon rêve est que tu règnes en maître sur mon cœur. Mireille Mathieu, bravo, tu as gagné. Et Rachid Ferrache, ou plutôt Rachid Farache, la fille aux cheveux bleus, 1988, eh oui, c'est la séquence émotion. Oh,